Nous saluons toute l'Église ce soir au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il est fidèle. Amen. Et dans sa fidélité, nous sommes bénis. Amen. Je veux chanter un petit cantique. C'est dans Nimboza Mungu. Ni Munimboza Mungu. Souffrez que je chante. Muni, vumilieko, nipate kuima. 308 Nimboza Mungu. 308 Nimboza Mungu. Mais sous un autre ton. Sifurai kwa mali ya dunia e Bwana. Ninataka kujua kweli mimi ni wako. Na katika kitabu cha ufalme wa mbingu jina langu ni kule. Ninataka kujua jina langu ni kule kwa kitabu cha Mungu jina langu ni kule. Ninataka kujua jina langu ni kule kwa kitabu cha Mungu. Jina langu ni kule. Ninataka kujua zambi zangu ni nyingi zinazidi kabisa. Damu yako Mwokozi inatosha kwa mimi. Ni ahadi ya Mungu zambi zenu nyekundu zitakuwa nyeupe hata kama theluji. Jina langu ni kule kwa kitabu cha Mungu. Jina langu ni kule. Ninataka kujua jina langu ni kule kwa kitabu cha Mungu. Jina langu ni kule. Ninataka kujua. Ninajua mbinguni nyumba zetu ni nyingi. Mungu anazojunga kwa wenye kuamini. Ninaamini Mwokozi zambi zimesafishwa. Jina langu ni ninajua kabisa. Jina langu ni kule kwa kitabu cha Mungu. Jina langu ni kule. Ninajua kabisa. Jina langu ni kule kwa kitabu cha Mungu. Jina langu ni kule. Ninajua kabisa. Que Dieu soit loué. Je vous lever pour la lecture de la parole. Nous allons directement dans Matthieu chapitre 4. À partir du premier verset. Prions. Seigneur notre Dieu. Nous voici encore en ta présence. Pour écouter ta parole. Nous nous abandonnons entre tes mains, Père. Utilise-nous comme un vase. Et dispose nos cœurs pour recevoir ta parole. Bénis-nous ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Non. Il fut amené par l'Esprit. Ok, dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'est approché, lui dit, si tu es le fils de Dieu, kama kumwana wa Mungu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Pate kwa muru, imaibu, pate tukila mikati. Jésus répondit, Yesu akamjibu, il est écrit, meandikwa, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mutu, ataishi kwa mkate tu, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lote, atukamkiwa wa Mungu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Abariki usome neno lake. Veuillez vous asseoir. Pate kumazikala. Nous continuons notre sujet, tunaendelea ajina yetu, l'heure de la tentation. Wakati ya jaribu. Et nous avons fait voir à l'église que cette tentation qui vient devant nous, seul le Seigneur l'a eu dans sa vie sur la terre. Aucun autre croyant ne l'a vécu. Nous serons les deuxièmes après le Seigneur. Donc nous ne devons pas seulement entendre parler de la venue du Seigneur. Non, nous ne devons pas seulement rester à entendre. Il n'y a pas seulement que la nouvelle de la venue du Seigneur. Il y a aussi la nouvelle de la tentation qui est devant nous. Chacun doit se préparer. Et on a fait voir à l'église que la prière n'est pas la solution à cette tentation. Même pas les jeunes. Dieu a une solution qu'il a préparée pour que nous puissions vaincre cette tentation. Cette solution est là, mais elle n'est pas pour tout le monde. On va y arriver. Voyons d'abord ce qui est arrivé à notre Seigneur. Parce que c'est la même tentation que nous avons. L'esprit l'a amené au désert. Ce n'était pas en esprit qu'il est parti. Non. Physiquement amené au désert. Et là, le tentateur, qui est Satan, est venu en personne. Il a commencé par une guerre des Écritures. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Cette guerre des Écritures, l'épouse l'a aussi vécu et continue à la vivre jusqu'à maintenant. Le diable vit avec ses doctrines, avec ses enseignements, des doctrines des démons. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous le rétorquons par « il est aussi écrit ». Et nous en sortons toujours vainqueurs. Jésus avait dit, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur mon église. Rien ne pourra nous détruire. Même pas les enseignements de Satan. Dieu nous a révélé toute sa parole. Donc cette guerre des Écritures, nous en sommes jusque ce soir vainqueurs. Même si le diable suscitait, laisse-moi terminer avant de parler. Même si le diable suscitait d'autres doctrines, nous sommes convaincus qu'avec le Saint-Esprit de Dieu, nous en sortirons vainqueurs jusqu'à la fin. On peut tromper les autres, pas l'église du Seigneur. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Et nous avons la vérité. Amen. Soyez-en sûrs, frères. Toute la parole de Dieu a été révélée. Et nous la possédons comme nourriture. Un jour, le frère Branham était en prière, les mains levées. À un moment donné, il a senti quelque chose tomber dans sa main. Il regarde. Une épée nue. Une épée nue. Brillante à double tranchant. Et la voix lui a dit, c'est l'épée du roi. Cette épée représente la parole que nous avons. Quand il est parti, alienda, la même épée est tombée dans la main de Frère Franck dans une vision. Umikona, la parole que Dieu a donnée à son prophète neno Mungu apacha nabii wake a été mise dans les mains d'un serviteur fidèle et prudent pour la distribuer au domestique que nous sommes. Et maintenant que le serviteur est rentré à la maison, la même épée est maintenant dans les mains d'Ephésiens 4:11. Amen. Ah. Les cinq ministères que Dieu a placés dans l'église pour amener l'église à l'achèvement. Donc, soyons sûrs que cette guerre des Écritures, nous allons la vaincre totalement. La Bible dit, le diable saisit Jésus. Suivez-moi bien. Physiquement, il sauta avec lui. Akaluka naye. Olé! Akaluka mon peuple. C'était la nuit, on ne sait pas. Il quoi ne bouchi quoi toujours. C'était le jour. Il quoi mon chan. La Bible ne dit rien. Biblia est ce qui tu parle. Il sauta avec lui. Akaluka naye. Et il alla le placer sur le haut du temple. Le Père a permis ça. Baba arirusu ile. Que son fils unique. C'est un mwana wake wa pekee. Dans la chair. Mwili. Faible, affamé, soit saisi par Lucifer amubambe, et placé sur le haut du temple. Les apôtres ne savaient pas où il était. Cette chose s'est réalisée réellement. Ce n'était pas en esprit. Jésus ne voyait pas une vision. Arrivé là-bas, fika pale. Il lui dit, amambia, si tu es fils de Dieu, omu, jette-toi en bas. Utu wangu, utu, luka uchini. Pour quelle raison? Dieu anime. Le diable. Shetan, c'est un mauvais. Ni mutu mubaya, qu'il se jette pourquoi? Aluke tuju anini apike chini. Donc le diable a utilisé toute sa force. Shetan a touché nguvu yake yote. Pour secouer l'homme Jésus. Ce diable dont on se moque dans les dénominations avec des cantiques comment vous pouvez donner du couper à Satan, couper Satan a maudit des femmes et des hommes. Si on le lâche sur eux, il va décribler comme le froment. Ce n'est pas un petit garçon le diable. Écoutez frère, si nous le chassons par un doigt, ce n'est pas notre doigt qui le brûle. Quand je dis Satan, sort, il ne voit pas mon petit doigt. Il voit le doigt de Dieu. Faut pas te vanter pour ça. C'est le Seigneur. Quand nous disons moi, au nom de Jésus, c'est ce nom-là il est Gina, dont il a peur. Yo, il est Satan, ce n'est pas toi. Aina weye. Il y a un monsieur là qui avait osé Mutumaripimaka. Dans la Bible, imiter les apôtres. Il dit, il voulait chasser les démons. Au nom de Jésus, Jésus-Christ, que Paul prêche, je t'ordonne de quitter cet homme. Les démons lui disent, mais je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais toi, tais-toi. Uko nani? On l'a rossé. Bari mufunja. On l'a rossé. Bari mupika. Il est allé nu chez lui. Na arienda utupu kwake. C'est grâce à Dieu que nous tenons. Ni kwa neema ya Mungu Joshua tunashimama. Et nous avons une promesse qui va se réaliser avant l'enlèvement. Il nous est promis que Dieu écrasera Satan sous nos pieds. Est-ce que vous savez ça? Nous marcherons sur sa puissance. C'est Dieu qui va le prendre et il va l'écraser sous nos pieds. Ce n'est pas toi qui saisis le diable seul pour aller écraser le diable. Il a ramassé Jésus. Et le Père a permis ça. Et il l'a placé. Jésus-toi en terre. Et il prend une écriture qui ne concernait même pas cette bêtise. Et il place ça. Psaume 91. Zaburi, non, ma comité, ça verset 12. Ça concerne qui? Vous allez lire ça à la maison. Vous allez réaliser tous les psaumes. C'est une promesse. Il y a le malako qui est faite. Il y en a balalak. À celui qui demeure. Où le anadoum. Sous l'abri du Très-Haut. Jini, ya. Qui fournit quoi, tchadjou, kabis. Amen. La Bible dit. Amen. C'est lui qui demeure. Où le là. Sous l'abri du Très-Haut. C'est lui qui habite, pardon. Où le là. Sous l'abri du Très-Haut. Il y demeure. Et là. Sous l'ombre du Tout-Puissant. Et on commence à donner les promesses. Il lui dit, il est écrit de toi. Qu'il va donner des ordres aux hommes. Pour qu'ils viennent te porter sur la main. Kubeba, yabo, afin que ton pied ne heurte pas. Contre une pierre. Donc, le diable voulait faire fier à Jésus. Apenda. Quand nos voix se croisent, ça ne va pas. Le diable Chitani voulait faire fier à Jésus. Apenda, on fait ça, Yesu. Du théâtre. Ma michezo tu, ma sketch. Qui se jette. Apate kutu pachini. Quoi? Juanin. Le diable est impoli. Chitani ana adabu. Il est impoli, c'est tout. Mkosefu adabu. Alors le Seigneur, ça, ça, bon. Le regarde et lui dit, ana mwangaria, il est écrit, il m'a dit quoi? Tu ne tenteras pas. Awezi kujaribu. Le Seigneur, ton Bwana Mungu wako. C'était pour lui dire, quoi, ninja, il me tient sur la fête qu'on y fait. Le blague que tu veux me faire faire. Je suis ton Seigneur. Miye, niku Bwana wako. Je suis ton Dieu. Niku Mungu wako. Amen. Je crois que dans son cœur, le diable a dit amen. J'étais resté maka amina. Malgré ça, Atabie, il le prend encore. Il l'amène sur une autre montagne. Lucifer. Lucifer. En force. En force. Mungufu. Après Dieu. Kisha Mungu. Parmi les anges. Katikati ya malaika. C'est Lucifer. Lucifer. C'est Michael. Ni Michael. Ce sont des archanges. Jo ba malaika wakubwa. Il l'amène là. Anampeleka pale. Il lui montre tous les royaumes de la terre. Ufalme yo, et leur gloire. Na mautukufu yayo. Et là alors. Na pali. La tentation tombe. Jaribu ikanguka. Il lui dit. Anamwambia, si tu es fils de Dieu. Kama wewe ni mwana wa Mungu. Parce qu'il lui a dit, ne tu ne tenteras pas le Seigneur. Hauwezi kujaribu Bwana Mungu wako. Si tu es fils de Dieu. Sasa wewe kama mtoto wa Mungu. Si tu m'adores. Kama tunanyabudu. Ici où nous sommes. Nous sommes à deux. Tuba wili. Les apôtres, tes apôtres ne sont pas là. Mami tumea kwa ne sont pas là. Tumea kwa personne ne te verra. Hakuna mtu atakona. Si tu te prosternes. Kama tunaisha. Et m'adores. Na unanyabudu. Je te donne tous ces royaumes. Yote itakupatia hiyo ufalme. Il y en a déjà. Kubatu. Au milieu de nous. Katikati yetu. Des faux frères. Banduku wa bongo. Dans le secret. Mule masiri. Qui tombe dans l'adoration de Satan. Beko na budu shetani. Dans le secret. Mule musiri. C'est ce qu'il lui a dit là. Elle va le verra. Nous sommes à deux. Tout va, oui. Adore-moi seulement. Je tout. Te donne ces gloires. Jésus, on lui a présenté yes, tous les royaumes de la terre. Et leur gloire. Mais toi, oui. Le diable te présente une voiture TX. Dans le secret, on ne le sait pas. Personne n'est là. Tu l'adores. Demain, on va le faire au volant d'une TX. Tonanduku kuvola TX. Des faux frères. Banduku ba bongo. Rosicrucien. Barosicrucien. Franc-maçon. Nduku franc-maçon. Dans le secret. Mule musiri. Tu adores Satan. Una abudu Shetani. On te donne l'argent. Au parti à fez. Mais Jésus lui, on lui a proposé yes, tous les royaumes de la terre. Yo, t'as pas dunia. Et leur gloire. Na utukufu yayo. Adore-moi. Ni abudu tu. Il a regardé. Anamwangalia. Il dit, retire-toi Satan. C'est ma wende mbari na mimi. Toka wende wewe. Vas-y, va-t'en. Quand Car il est écrit. Quand il m'a dit quoi? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Utamabudu tu Mungu bwana wako. Et tu le serviras lui seul. Na utamtumikia yeye peke. Hapana kumchanga Mungu. Faut pas mélanger notre Dieu. Tu peux le faire en secret. La tentation qui vient te mettra à nu. Itakweka wazi. C'est le moment d'abandonner toutes les idoles. Ya kuacha masanamu yote. Qu'est-ce que c'est qu'une idole? Sanamu ni nini? Tout ce qu'on met en première place devant Dieu. Ile yote unaweka fasi ya kwanza mbele ya Mungu. C'est une idole. Ni sanamu. C'est le moment d'arrêter tout ce que vous faites en secret. Ya biote, musiri. Qui va perdre finalement? Yote. Même si tu te caches devant nous. Ataka mafuchama kumbele yetu. Mais tu ne te cacheras jamais devant Dieu. Na la Mungu utafuchamaka. Et quand tu continuerais na wakati à adorer d'autres dieux wa Mungu ingine, pour la gloire de ce corps, mwili, pour la prospérité matérielle, qui va perdre? Nani atapotesha? C'est toi-même, non? Ni wewe mwenyewe. L'Éternel que nous prêchons, wabilele utu na ubili. Il est vivant. Ni mujima. Rien n'est caché devant lui. Na hakuna kitu kinafichamaka mbele yake. Toutes les actions secrètes. Matendo yote ya msiri ya batu. Seront mis à découvert. Ataiweka wazi. Et les hommes répondront même. Na batu batajibwaka. De toute parole vaine. Na kumasemo yote ya pumbavu. Sorti de leur bouche. Ile kutoka mkinywa yabo. C'est enregistré, frère. Iku na bambiwa. Rien n'est perdu devant Dieu. Hakuna kitu kwa kuweza kupotea mbele ya Mungu. Les hommes répondront. Watu watajibwaka. Tu adoreras. Utaabudu. Le Seigneur ton Dieu. Bwana Mungu wako. Et tu le serviras. Na utamutumikia. Lui seul. Yeye peke yake. Lui seul. Yeye peke yake. Il a chassé le diable. Anamfukusha shetani. Et la Bible dit. La Bible asema. Alors le diable le laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et lui donnèrent à manger sur la montagne. Là. C'était dans le corps. Ils sont descendus. Ils lui ont donné à manger. C'est Satan. Satan. Qui est allé en forme physique devant notre Seigneur. Pour pousser le Seigneur à l'adorer. Le voici qui vient dans le jour. Maintenant il vient devant l'église du Seigneur. Pour la même tentation. Pour pousser l'église à l'adorer. C'est la même tentation. Il ne vient pas physiquement comme il était venu devant le Seigneur. Non. On s'approche maintenant de la chose. Il vient derrière un homme. Nous avons le droit d'en parler. Pour que l'église connaisse l'ennemi comment il vient. Le frère Branham dit dans sa prédication comment puis-je vaincre. Il dit anasema, vaincre le diable kushinda shetani, c'est le reconnaître ni kumujua, à tous ses coups. Kuma, gumi yake yote, quand il frappe wakati anapika, tu vois que ça c'est ça. C'est ça la victoire. Jo, même dans notre vie de chaque Ata jour maisha kila shiku, même dans nos maisons Ata manyumba yetu, quand le diable vient dans ton mari shetani anakuwa ndani ya bwana yako, et l'utilise pour te tenter. Anaanza kumtumikisha bwana wako juu kujaribu. Si tu as des yeux, kama uko na macho, tu reconnais utayunga que c'est le diable. Nasema huyu ni shetani. Tu vas utiliser pale na wewe utatumikisha les armes de la chair. Hapana ma silaha ya mwili. Parce que le diable, sababu shetani c'est un esprit. Yeye ni roho. On ne le combat pas avec des insultes. Hawezi kumkomaisha na matukano. Ah, on ne le combat pas avec des coups. Il y a des armes appropriées. Amen. Amen. Quand tu découvres que kusema, dans mon frère ici, yangu ndani yake, dans ma soeur, wala dada c'est yangu, le diable qui agit, tu as vaincu ce fils. Unashinda. Il vient derrière un homme. Je sais pourquoi je dis, je ne dis pas dans un homme maintenant. Non, il vient derrière un homme. Il y a un temps où il sera dans lui. Mais maintenant, il vient d'abord derrière lui. En le faisant agir. Son objectif, c'est d'amener l'église du Seigneur qui vient de déclarer dans le monde par ce message qu'ils adorent le Dieu véritable. Il va faire quelque chose de terrible, de difficile à supporter pour nous amener à l'adorer. Cet homme, laissez-moi parler de lui. La Bible l'appelle l'homme du péché. Le fils de la perdition. L'adversaire de Dieu et de son peuple. La Bible l'appelle aussi l'impie. L'antéchrist. Le faux prophète. Il y a un homme que la Bible appelle de ses qualificatifs. Ouvrons nos yeux. Voyons la fin de notre histoire. Dans Thessaloniciens chapitre 2. Commençons par le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Laissez-moi vous dire qu'il est apparu. Mais il n'agit pas encore dans toute sa force. Mais il vient d'apparaître. Je pèse mes mots. Anatokea mukonekana, il vient d'apparaître. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Le fils de la perdition. L'adversaire à lui. Qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou de ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Et son temps est là, mes frères. Son temps est là, mes soeurs. Ouvrez vos yeux, vos oreilles. Bientôt, c'est le départ. Mais avant le départ, nous devons prouver notre fidélité à Dieu. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il en éantira par l'éclat de son avènement. Cet avènement ici, ce n'est pas quand il vient nous prendre. C'est après notre départ. On va le voir. Cet homme ici, laissez-moi lire d'abord frère Franck. Dans Apocalypse, livre scellé de sept sceaux. Page 161. Nous voulons découvrir comment ce type viendra nous tenter. Un seul homme sur la terre. C'est l'ancienne édition là. Et regardez avec considération. Avec considération. Par les juifs aussi bien que par les musulmans. Wa Yuda, non, Islam. C'est le pape. Ni pape. Le Franck n'hésite pas de les citer. Et nous n'hésiterons pas. Car il sera respecté comme figure centrale de toutes les religions. Ses rapports avec l'OLP et le monde arabe sont également empreints de sérénité. Ainsi, il incombera au Vatican de jouer son rôle lors des négociations, de répondre aux désirs d'Israël et d'arracher aux Arabes la permission de rebâtir le temple et de l'inclure dans les traités. À cette occasion, cet homme parlera avec une diplomatie des plus élevées. Des droits de l'homme. Ya, droit de l'homme. Et de la signification équivalente des trois religions. Na mana ya imadini tatu. Monothéiste. Monothéiste. C'est-à-dire le judaïsme. Judaïsme. Le christianisme. Ki Christu, et l'islam. Na islam. En raison de la conversion du traité de Jérusalem. Ju ya ile mapata na kuisalema. Le pape. Pape. Alors en fonction. Ça, ça moule à ta quoi mukaze. C'est celui-ci qui est passé pape. Je l'ai dit. Mes deux pieds dans la prophétie. Mes deux pieds dans la Bible. C'est pas quand il écrivait ça. Ce pape n'était pas encore là. Pape, frère, nous devons dire à l'Église. Lorsqu'un événement arrive, lui pointer réellement. Cet événement. Dans la succession des événements prophétiques. Quand il écrivait, il disait, le pape qui sera alors en fonction. Moi aujourd'hui j'ai dit, le pape qui est aujourd'hui en fonction se présentera avec tout son apparat dans le temple de Jérusalem reconstruit. Il est bataillé en Gouloula. Comme cela a été écrit en avance il y a 2000 ans. Il prend l'écriture de 1 Thessaloniciens 2 que nous avons lu. Dieu est devenu un homme dans le Fils. Et il a pris la forme d'un serviteur. L'homme d'iniquité, en tant que fils de la perdition, il s'élève lui-même comme un Dieu. Se réclame de l'infaillibilité. Et reçoit les hommages. Tout d'abord, les Juifs tombent dans le piège et croient en ce faux Messie. À cause de l'aide qu'il leur a accordée lors de la conclusion du traité de Jérusalem, cela jusqu'à ce que tombe le voile de Moïse qui est encore sur les Juifs. Il apporte alors, quand il ira là-bas, il apporte alors au peuple juif le sceptre en main. Il leur apporte quoi? Sa version du christianisme. C'est-à-dire le catholicisme. C'est alors éclate la bombe. Je parle bombe, il tapasuka. Le Seigneur Buan se révèle aux siens. Atejifunula sasa kwa kubaki. Tant que l'ange de l'alliance. Sawa malaika hagano. Apocalypse 10. Ufunuo 10. Et il anéantit l'adversaire. Na atapata amtekiteza adui. Par le souffle de sa pitiam pepo ampumzia nyakinyagi. Le traité sera rompu. Il est mapatano itavunjika. Et les deux prophètes en tant que conducteurs spirituels seront mis à mort. Na wale wanabii wawili batibaua. Par cela, termine la première moitié de la dernière semaine d'année. Qui pande ya juma ita malizika. Qui pande ya kwanza ya juma ya mwisho ya miaka, c'est-à-dire la dernière semaine de Daniel. Moi, ni kusema mulema. Et les 3 ans et demi de jugement. Na ile miaka tatu na kipande ya hukumu. Et des grandes tribulations. Na magumu mkubwa itaanza. Qu'est-ce qui va se passer? Nini itapitikana? Ce monsieur que vous avez vu accueillir, qui est un pape venant des États-Unis, notre Dieu avait donné cette prophétie de sa venue comme pape il y a 71 ans. C'était en 1954. Dans la bouche de Frère Branham. On va les lire. Tout est somme. C'est derrière lui. Ni kumukongo yaki. Et par lui. Na kupitia yeye. Avec ce qu'il fera. Na bila tafanya. Que nous allons souffrir. Jo paleshe tatiso. Il a l'apparence saint. Eko na konekana kwa mtakatifu. Mais c'est un mauvais. Lakini mtu mbaya. C'est un impie. Ni mtu mchafu. C'est un méchant. Ni mtu wa mbaya. Nous les déclarons sous l'onction du Saint-Esprit, sachant que rien ne nous arrivera jusqu'à ce que nous quitterons. Parce que la Bible dit, il faut que celui qui le retient ait disparu. Qu'est-ce qui le retient d'agir fortement? C'est le Saint-Esprit. En nous l'église épouse. C'est celui-là qui l'empêche. Il faut que nous partions. Ils verront de quel bois il s'échauffe. Mais avant même qu'on parte, nous allons lire le prophète. Nous serons évincés. Je vais expliquer le mot évincé, c'est quoi. Le mot évincé, on va en parler devant nous. Ok. C'est-à-dire quoi? C'est manine. Je peux vous dire que Mbersema, avec ce qu'il va faire naibia tafanya, aujourd'hui, Léo, même si tu vas avec un revolver, ataka monina revolver avec ta main là, na mkono yako, tu tires sur lui, una mpiga, il ne mourra pas ashita kufwa de ton revolver. Na ile revolver yako. Ce n'est pas ça son destin. Aina njokula takufia. Je vais loin. Même si tu vas, mais tu vas prendre la bombe Satan 2. Attends, ne va bombe Satan 2. Tu largues aujourd'hui sur lui. Na pika yulu yake. Il ne va pas mourir. Ashita kufwa. Il mourra. Atakufwa. Sans l'effort d'aucune main. Na pasipo nguvu ya mkono atamue. L'arme qui va le tuer il est, est dans la bouche du Seigneur. Iko abwana. Il va aider ata saidia les Juifs Bayuda, à terminer leur bamalize, mamambo yabo, avec leurs voisins. Pa, na bajirani ils vont yabo. Signer une alliance bata, tia saini, agano mafulani, de 7 ans. Juu ya huyu wakati. Nyaka saba. Et les Juifs Bayuda, auront la permission bata, pata rusa, de reconstruire leur temple. Ya kujengulua ka ekalu yabo. Laissez-moi vous dire que pour cette reconstruction, tout Gurula est déjà là. Tout. Tout. Sauf l'arche de l'alliance. Parce que dans leur foi, l'arche de l'alliance ne devait pas être encore fabriquée. Ils croient que ça se trouve dans les décombres du temple. Bile ya kupomoka pomoka, ça doit être là. Il n'a pas pour eux, Titus n'a pas pris ça. Wabo, Titus, mais le reste est déjà prêt. Je suivais un rabbin juif qui disait, je n'attends qu'un coup de fil. Qui me fera voir que nous avons reçu l'autorisation de rebâtir les temps. Je n'attends qu'un coup de fil. Tout est déjà là. Il va les aider à reconstruire le temple. Dans cette joie-là, ils vont commettre l'erreur de le recevoir comme Messie. Quand ils signent cet accord-là, nous sommes déjà partis. C'est-à-dire quoi? Nous commençons par partir. À la même période, ils signent l'alliance. Ça ne peut pas se décaler, sinon les calculs ne vont pas s'emboîter. Nous partons à la même période de notre départ, ils signent l'accord. Un an de fête. 2 ans de fête. 3 ans de fête. Au milieu. Katikati. de la quatrième année, ya mwaka ya ine, il quitte chez lui. Anatoka kwake. Il ira à Jérusalem. Atenda kwa Yerusalema. Pour aller entrer dans le temple construit par sa grâce. Du enda kenge mwekalu ile barienga kupitia yeye. Avec tout son apparat. Na konekana kwake kote. Laisse prendre la main. Na mkonto mkono. Mapambo yake. OK. L'apparat oui mapambo. Mapambo yake. Les Juifs vont le recevoir avec les honneurs du Messie. Il va entrer dans le temple. Il va s'asseoir. Se proclamant lui-même Dieu. Le Seigneur au ciel ne va pas supporter ça. La première fois que Jean-Paul II a foutu ses pieds à Jérusalem, il y a eu une éclipse solaire. Pourquoi? Parce qu'une suie a foulé une terre sainte. Le soleil n'a pas voulu éclairer normalement. Mais celui-ci ira loin. Il va entrer dans le temple. Le Seigneur va descendre. Pendant que nous serons en fête. Je me suis toujours dit. Dieu est capable. Il y descend. Mais entre temps, nous sommes avec lui. Oui. Dieu. Au ciel, nous sommes avec lui. Mais il fait des choses sur la terre. C'est ça notre Dieu. Il est ici en forme de colonne de feu à Colosie dans un tourbillon au même moment. C'est le seul qui peut le faire. Mais si le diable est à Kambo, chez moi Colosie n'est pas là. Colosie en arco. Quel est le cas pour pas le kekou? Il est toujours là où il est. Mais notre Dieu, il fait tout à tout moment. On a fait habitu biote mokatiote. Il descend. Anashuka. Il pose son pied sur la mer. Anaweka mikulu pambari. La mer orientale. Mai ila ko oriental. Aina mai ya kukabea kamwanga. Ce n'est pas de l'eau de kabea kamwanga, non. Et il place son pied droit. Na mukulu yake sur la terre de Canaan. Anaweka pa bulongo ya Kanana. Pour réclamer sa propriété comme fils d'Abraham. Sawa mwana wa Ibrahim. Et là, il lance un cri. N'a pas la toi la lamico. Comme un lion. Ça s'imba. Les sept tonnerres font entendre leur voix. Ita shikirika. En ce moment-là, nous sommes au ciel. Ilo akati jetu kumbingu. Ces choses ne nous concernent pas. Ile bitu aina mambo yetu. Et la Bible dit, Nabiya à sema, la même venue là. Mukule kuja kukumwa moya. Apocalypse 14 dit. Ufunuo 10 inasema. Jean le regarda. Yohana kamwangalia. Il le vit sur le mont Sion. Akamona pale pamoja na Sion. Entouré de 144. Mwenye kuzunguruka wa 144. C'est le mont du temple. Na njo pale pa hekalu. Là le Seigneur entre dans le temple. Bwana anaingia mu hekalu. Les Juifs regardent. Bayuda tangalia. Il y a deux messies. Na sasa kuna kwa messie bawili. Qui est le vrai? Sasa bia kweli ni nani? L'autre assis. L'autre debout. Ou mwa kushimama. Avec des cicatrices en main. Nami mama malama mikono. L'homme de Golgotha. Uto Golgotha. Alléluia. Ah. L'invincible. Ula spoko waku wa mushindaki. L'invincible. Ule mutu abashindaki. Dit amen. Amen. Dieu est invincible. Mungu abamwezake. Amen. Il le regarde. Tamwangalia. La Bible dit. Bila sema. Daniel avait dit ça. Daniel alisema. Daniel 8. Daniel. Lisons. Somme. Daniel 8, verset 24. L'écriture dit ceci. Sa puissance s'accroîtra, c'est l'Antichrist. Mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. salama. Il s'élèvera contre le chef des chefs. Tu as combattu Chababakubwa. Le chef des chefs. Mukubabakubwa. Mais Lakin. Il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Bila nguvu ya mkora tamoya. Amen. Amen. Esaïe le prophète. Isaïe nabi. L'avait déjà dit il y avait longtemps. Esaïe chapitre 11. Nous sommes au verset 4. Parlant du Seigneur. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole. Comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. Nous sommes dans la lettre circulaire. Mars-avril 2007. Mars-avril 2007. Je suis à la page 10. Niko, Mkartasekia Kumi. Il dit ceci. Selon le prophète, la prophétie biblique. Je m'excuse. Nsame. Ok. En bas de la page. Chini. Le prophète Daniel a écrit les paroles suivantes. Nabi Daniel a indiqué qu'il vit misemo. Au sujet du dirigeant mondial. Kwa ile nangaria wale nongoza dunia. Le dirigeant ule mondial. Nongozi wa dunia. Qui exerce son influence. Ule watumia mavuto yake. Au travers de toutes les institutions religieuses. Ma kani ma dini yote. Et politique. Na siasa. Il prend l'écriture. Ane bandiko. De Daniel 8:24. Daniel Munane. Et à la fin là c'est écrit mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Oui. Bien aimé dans le Seigneur. Tout porte à croire que ce pape ici que nous avons maintenant c'est celui-là qui va jouer ce rôle. Tout porte à le croire. Oui. Le frère Branham avait donné une prophétie. Dans la brochure, les actes du Saint-Esprit. Sur la venue de ce monsieur ici. Les actes du Saint-Esprit, paragraphe 87. Prêché le 19-12-1954. Je crois. Qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là. Et aujourd'hui, j'aimerais d'abord là. Léon XIV est né à Chicago. C'est un Américain des États-Unis. Quand Donald Trump l'a vu, il s'est réjoui, il a dit, je m'empresse de le recevoir. Et sachez que là où on va le recevoir, c'est là que se trouve la tiare Kofia de Jean-Paul VI. Et Jean-Paul VI. On avait fabriqué pour Paul VI. Paul VI. Où c'est écrit Vicarius, Vicarius Filii Dei. Cette tiare-là. Il est Kofia. D'une manière surprenante. Mais que nous comprenons nous. Pourquoi c'était gardé à Washington? Un pays d'obédience protestante. Il est Kani protestant. Mais on va garder là-bas la tiare d'un pape romain. Dans un pays protestant. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il y aurait un pape américain qui serait à Rome un jour. Imaginez-vous dans la succession des papes qu'il y ait un américain. une nation qui a commencé Taifa. Avec l'obédience protestante. Il y a un zana qui protestant. Et Dieu a, nous a annoncé ça. Na mungu shia tutangazia. Il y a 71 ans. Kuna kwa semiaka makumi saba na mungu. Qui aura un pape. Ya kusema kutoka au pape. Qui sera voté un jour. Kuru atachakula shimuya. Venant des USA. Wa kutokea kwa Amerika. Et aujourd'hui nous l'avons. Na leo tukunai. Et le frère Madame dit. Mungu bwana masema. Quand il sera installé là. Wakati watamweka pale. Alors. Sas. Ils feront une image à la bête. Batafanya picha ya nyama. Oh église. Kanisa. Et je vous le dis. Na nimwambia. La véritable église de Dieu. Kanisa kweli Mungu. Sera forcée de se rassembler. Bataisukume pate kusanika. Les prédications que nous entendons même. Imaubiri tunashikia hapa sasa. Sont de nature. Nia. À nous amener à nous unir davantage dans la kutupeleka tupate kujunga tena katika mapendo. Ça c'est le frère Branham. Ndugu Branham. Quand ce type sera là, il est là. Ule mutu wakati atakuyaka. Alors il dit. Ça ça anasema. La véritable église de Dieu. Kanisa kweli ya Mungu. Sera forcée. Bataisukuma de se rassembler. Ipate kukusanyika. Forcé par le Saint-Esprit. Sema ni kusukumwa na Roho Mtakatifu. Les vrais. Bakweli. Les véritables croyants qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, et que sais-je encore, ils se rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu. Amen. L'église n'est pas encore là. Nous sommes venus de ces églises. Dieu nous a fait sortir. Ça, nous devons le vivre. L'événement est arrivé. Et le prophète a dit en ce moment-là. Finiront des divisions au milieu de nous. Les enfants de Dieu qui ont été emportés dans des fausses doctrines. Mais ceux qui sont de Dieu, ils vont sortir. Et nous serons cimentés. Nous serons bétonnés. Dans un amour fraternel sincère. Kinduku ya moyo ya haki. Oui frère. Dieu nduku. Ils formeront le corps du Seigneur Jésus Christ. Mwili ya Bwana Yesu Kristo. Tous les croyants. Maminifu bote. Et les esprits superficiels. Na maho ile ya Yayuluyul, ils seront mis à l'écart. Ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. Voilà. Et ce type-là. La prophétie est accomplie sous nos yeux. Qu'on le veuille ou pas, Léon XIV vient des USA. Léon XIV, et nous pensons que. Attendez, qu'est-ce qu'il y a encore? Lettre circulaire de. Décembre 2006. Il y a mon décembre 2006. Là, à la fin de la lettre, aux annexes là. Kumuisho, annexe kwanjika. Il est annexe, il va les faire comme photo. Voyez cette lettre là. Kumuisho kule. Là, il reprend la prophétie. Anasemulula mon abi. La prophétie d'un prêtre irlandais qu'on appelle Malachi. Un abi, un prêtre moi irlandais ou le banzé c'est Malachi. Il avait prédit que avant la fin des temps. C'est bel et kumuisho wakati. Il y aura 266 papes. Kutakuwa 266 papes. Qui vont se succéder avant la fin des temps. Et aujourd'hui, quand nous comptons, il parle de 267. Ils disent qu'il est le 267e. C'est faux. Il y a un qu'il faut exclure. Qui n'est pas leur pape. C'est notre frère Pierre. Si vous enlevez Pierre de la liste, Pierre, il faut l'enlever parce qu'il n'est pas leur pape. Pierre n'a jamais été à Rome. C'est Paul qui a été à Rome. Enlevez-le. Léon 14 est le 266e pape. Et c'est le dernier pape. Oui, Dio. Ce mot je le pèse. C'est le dernier. Parce qu'après sa mort dans le temple, il n'y aura plus de pape. La Bible parle en ce moment-là d'un chef religieux et d'un chef politique. Ce sont ces deux-là que le Seigneur va prendre dans la dernière guerre, la guerre d'Armageddon. Il va les prendre vivants et ils vont inaugurer l'enfer avant que le propriétaire de l'enfer n'y entre. Le propriétaire c'est Satan. Mais il y a deux personnes qui iront vivantes dans le séjour des morts avec leurs habits, avec les souliers, on va les jeter là-bas. Par le Seigneur lui-même. Lors de la guerre d'Armageddon. C'est celui qui va venir après ce pape. Où est-ce qui est le pape? On l'appelle le chef religieux. On l'appelle pas bête. Mais celui qui est bête. Ou qui sera bête. C'est Léon 14. Où Léon 14? C'est moi. Ça vous dit, c'est monsieur. Il m'embrouille, c'est moi. Ce qu'il dit là. Comment je sais, monsieur? Si je ne le dis pas, je répondrai. Le frère Banam dit là-bas. Tout Banam en c'est moi. La dernière tiare. Kofi Amoucho. Qui fut conçue pour le pape Paul VI. Il tungwa kanjo pape Paul VI en 1963 et conservé dans la cathédrale nationale de Washington. Mais on est en cathédrale nationale à Washington. C'est lorsqu'il sera reçu aux États-Unis. Je crois que c'est ça qui va se faire. Dans leur joie de le recevoir, on va prendre cette tiare là et on va lui mettre. Serait-il, le faux franc termine en disant, serait-il surprenant? Est-ce que tu as quoi bien Kushangaïcha? Que le dernier pape vienne des États-Unis? Atoke ko America? Est-ce que ce serait surprenant? Et ni akushangaïcha? Est-ce que Bidis quoi bien Kushangaïcha? Est-ce que c'est étonnant? Si le dernier pape, le faux franc parle du dernier pape, venant des États-Unis, c'est possible que ça soit celui-là. Ina ouezekare ko. Et quand il pose la question comme ça, lui en tant que serviteur fidèle, et ça prudent, et à quoi prudent ça nous le fout? C'est pourquoi il pose il ça, il met ça en question. Je commande à Naïka Moulizou. Mais beba ma calcul, beba succession va pro, il y a va pape. Prenez les successions de pape. Beba sorti à qui a aux États-Unis. Tu verras que c'est le dernier pape. Donne à côté ma, John Atokia ou America. L'homme du péché. Toi Zambi. Qui va nous faire pression. Oule à Tetsonga. Oui. Quelle est l'astuce? Non, Tuscan. Que Satan va utiliser. Il est Shetan Yatatumkisha. Pour nous amener à adorer cet homme. Parce qu'il est dit dans la Bible. Que tous les habitants de la terre adoreront cet homme-là. Apocalypse 13. Funuo kumi natatu. Tu es celui qui va vivre ces choses. Toi qui es assis ici. Nombreux ne mourront pas. A tout à coup foi. Bamingi a tout à coup foi. Nous allons vivre ça. A tout à ishile. Ne renvoie ça à d'autres. Faut pas renvoyer ça à d'autres générations. Ça te concerne toi. C'est toi le croyant du temps de la fin. C'est toi l'élu qui sera enlevé, peut-être vivant. Amen. Comme on nous a dit à l'introduction du culte. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et nous le sommes. Je le suis, si toi tu ne l'es pas. Moi je le suis. Et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Si tu ne te crois pas, c'est malheureux. Verset 8, 13, Apocalypse. Et tous les habitants de la terre l'adorent l'eau. C'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Autrement dit, tous l'adoreront, sauf nous dont les noms sont écrits. Peu importe ce qu'il fera, nous ne l'adorerons pas. Nous qui, nous dont les noms sont écrits dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Tu vas me poser la question. Est-ce que je peux maintenant savoir que mon nom est là? C'est pas pour rien que j'ai chanté ce cantique-là. Jina langu nikuli. Mon nom est là-bas. Kwa kitabu cha Mungu. Dans le livre de Dieu. Jina langu nikuli. Mon nom est là-bas. Ninajua kabisa. Je sais certainement. Nous terminons par là. Tout normalisé. On m'a dit d'arrêter à moins 5. Tiens bien, Nishimami. Est-ce que tu peux le savoir? Et tu n'es qu'une joie. Que ton nom est écrit. Kama jina la kome andikiwa. Oui. Dio. Le prophète répond. Nabi Anajibu. Je crois que j'ai apporté ça. Dans le Saint-Esprit. Mumaubiri, Rome, Takatifu. Un instant. Dans sa partie, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Mukipande yake, Joanini, Rome, Takatifu, il était wa. Paragraphe. Commençons d'abord au paragraphe 27. Le frère Manam dit, est tout aussi sûr que ça ou à ville bikubia akika yakama ce soir, vous êtes affamé du Saint-Esprit. C'est quelque chose en vous qui vous attire. Puisque un dessein de Dieu dans votre vie doit s'accomplir. Dieu nous a connus par sa préscience. Il a connu nos cœurs. Il a vu comment on allait l'aimer. Dans sa préscience. Dans l'éternité. Il a conçu un dessein. Makusudi a exécuté avec chacun de nous. C'est ce dessein-là que Dieu avait conçu pour toi. Qui te trouble. Qui crée en toi la faim. Et la soif du Saint-Esprit. Alors au paragraphe 52 il dit: n'êtes-vous pas heureux, vous qui êtes ici ce soir, de savoir qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui dit et qui dit: je veux ce Saint-Esprit, je veux Seigneur, je te veux dans mon cœur. Si tel est le cas, c'est que ok, Dieu a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Quand dans ton cœur il y a la faim et la soif du baptême du Saint-Esprit, ton nom est là. Ne fabrique pas cette faim-là. Il n'y a personne qui peut se fabriquer la famine. Là j'ai faim, donnez-moi à manger. On ne fabrique jamais la faim. Non, tu as faim. Tu as soif. Tu baptêmes du Saint-Esprit. Sois sûr que ton nom est écrit dans ce livre. Que Dieu vous bénisse. On va continuer à déliter la fois prochaine. Tout à moi, nous allons le mettre à nu. Nous laissons la chair. Tunaacha mimbali.